Les jours où les roses sont à moitié roses. Les jours où les fines gouttes d'eau tombent, les roses sont à moitié roses. Le ciel à moitié sombre, les chats à moitié gris. Les parapluies sont de sortie, mais ne sont pas encore ouverts. Les poissons sont heureux, les oiseaux chantent encore un peu. Les promeneurs sortent à pas feutrés. On se demande si le vent va chasser les nuages ou s'il va cesser pour laisser tomber de grosses gouttes. Les jours où les fines gouttes d'eau tombent, les roses sont à moitié blanches. Mathilde est irrésolue. Elle n'a pas encore résolu ses problèmes. L'amant du jour ne lui a pas encore écrit de lettre d'amour. Les jours où les fines gouttes d'eau tombe, les escargots mettent un nez dehors. Les cigarettes sont encore rangées dans la tabatière. On se demande si elles vont s'allumer et s'il faut s'arrêter sous le pont. Finalement, le vent a cessé, mais il n'a pas plu. Le ciel s'est éclairci, mais le soleil n'est pas venu. Les promeneurs sont plus nombreux, les bancs sont plus visités. On n'est pas au mois de juin. Le mois de mai n'est plus, les pêcheurs s'en vont. On reprend la marche. La terre s'affermit. Les oiseaux s'entraînent les uns les autres pour tenter de chanter une nouvelle fois. Le surréalisme est mort. Les alexandrins sont rangés définitivement dans une autre époque. On marche encore. Le temps n'est plus au chien, c'est là qu'il vient. Les gouttes se sont évaporées. Les carpes cendrées ont rejoint le fond de la rivière. Finalement, le vent a cessé et tout recommence à l'instant. Même carpet diem.